On pose des questions ici, les réponses sont à Chicago. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, ben, il y a toujours une période de questions, la deuxième période. Et puis, pour ceux qui trouvent que le langage peut être un peu spécial ou anormal, on s'y fait. Ah, moi, je me suis fait. Lui aussi. C'est la preuve qu'on peut s'y faire. C'est lui s'y faire. Parle-nous des principaux personnages de la légende de Robin des Bois. Et si elle a une relation avec le Graal, ces personnages sont-ils réincarnés aujourd'hui et les connais-tu? Bon, on ne prendra pas trop de temps. Ben, je vais juste répondre rapidement, puis après ça, on la place de côté. Si on a du temps, on reviendra. Sinon, on risque d'éclipser toutes les autres. Bon, premièrement, vous savez, c'est une farce intéressante, mais je ne sais pas si je devrais la compter. Aujourd'hui, les égos humains sont pas les vôtres, là, mais il y a toujours des... Hein, comment on appelle ça un juif qui tire de l'arc? Rabin des Bois. Bon. Enfin, Robin des Bois. En autant que des propriétaires du Journal de Montréal, tu peux dire ce que tu veux. Robin des Bois, il a vécu à l'époque de Richard Cœur de Lion. Ah oui, ben effectivement, il y avait Tijan, vous connaissez Tijan? Mmh, oui. Un grand bif, pas de cervelle. C'est lui qui a fait ça. Je dis ça pour lui, là. Ouais, pour la négoïser. Je sais pas s'il va se reconnaître. Pour la négoïser. Il y avait le frère Toc. Il s'appelait comme ça parce qu'il y avait une espèce de grosse guenille comme vêtement. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de... Tu sais, c'est quoi des tocs? Non. Parce que lui, il avait plein après son linge. Ah, ça, c'est des puces. C'est des... C'est une plante qui des chardons. Alors, il y a plein de petits piquants après ça. Puis quand ça marche, ben, ça s'arrache, ça se pogne après tout. Fait que c'est le frère Toc. Et puis, manger comme un frère Toc. Puis, il se gratte tout le temps, c'est fini par donner des tics. Tic-toc. Et puis, il y avait d'autres personnages aussi. Il y avait un ministrel, entre autres, qui était très, très, très important là-dedans, qui était un ami du roi Richard et qui, d'ailleurs, a sauvé Richard parce que Richard s'est fait enlever par son demi-frère, Jean Santerre, frère Jean. Et lui, il n'avait pas de terre. Il a voulu prendre les terres de Richard. Richard était en étant parti aux croisades. Richard a gagné le nom de Cœur de Lion lorsqu'il a réussi à mettre une muselière à un ours qui s'était échappé lors d'une fête foraine. Alors, les gens disaient qu'il avait un Cœur de Lion. Il était jeune à l'époque. Et puis, le ministrel lui-même a découvert le roi Richard dans un donjon. Alors, il a chanté une chanson ésotérique particulière. Le roi Richard est sorti. Le roi Richard a chanté. Les gardes, vu que c'était à l'extérieur du château, les gardes ont entendu chanter. Toutes les gardes ont su que le roi, que quelqu'un savait maintenant où était Richard Cœur de Lion, apparemment mort aux croisades. Le ministrel s'est poussé, il est revenu. Alors, eux ont dû libérer le roi Richard. Richard est revenu. Jean Santerre était là. C'était un de ses vassals qui tenait le roi Richard prisonnier. Richard va rejoindre Robin à l'époque et ils vont finalement faire des petites choses intéressantes. En l'occurrence, mettre le roi dehors. Enfin, le prince, Jean. Certains sont... Quand on parle de réincarnation, il faudrait juste qu'on mette peut-être un peu quelque chose dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une réincarnation? C'est Jean se réincarner. Bon. Tijan. Dans un ongle. Pas Tijan, Caribou. L'autre, Tijan. Se réincarner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nécessairement... Prenons l'exemple. Charles Villeneuve. Est-ce qu'il peut être la réincarnation de Tijan? Je m'aurais perdu des bouts. Et c'est souvent une chose qu'on se dit. Oui, mais il ne ressemble pas, donc il ne peut pas être. Ça n'a rien à voir. Le corps physique s'est réincarné. Ce sont des mémoires, c'est la conscience lucide, et ainsi que des mémoires expérientielles, pour mettre des grands mots, là, des mémoires de l'expérience cumulée dans le passé, qui, à un moment donné, se font rappeler par quelqu'un. Autrement dit, subitement, vous vous rappelez des choses. J'étais à discuter avec une personne, je lui dis, moi, je réincarne certains personnages, dont un personnage qui a vécu dans certaines années en Angleterre. La personne, elle me répond, « Oui, je suis sûr que tu réincarnes tel personnage. » Alors, comment il peut le savoir, lui? Moi, je dis, « Effectivement. » Et toi, je t'ai connu, là. Il dit, « Oui, je le sais. » Et tu étais assis en face de moi quand on s'est engueulé une fois. C'est toujours ce que j'ai pensé. Puis après ça, il a fallu que je me batte contre Lancelot. J'ai dit, oui, mais t'as failli rencontrer, il me donne le nom du personnage. Exact, lui, c'était Perceval à l'époque. Lui aussi, il sait. On le sait tout. C'est une illusion? Bien, on le sait tout. Tout le monde est d'accord. Sauf que qu'est-ce qu'on réincarne? On se rappelle des événements du passé, on se rappelle des êtres du passé, et de là-même, on réincarne ses mémoires. Mais si lui réincarnerait Tigeant, ce qui n'est pas le cas, il ne serait pas Tigeant. Il réincarnerait les mémoires du personnage. Donc, il se rappellerait exactement ce que l'autre a vécu. C'est comme s'il pourrait, à travers le temps, rentrer dans le corps de Tigeant et par ses yeux voir ce qui se passe. C'est donc Tigeant. Mais ce n'est pas lui. Il le réincarne. C'est des mémoires. Alors, okay, bon, on pourrait parler des principaux personnages. Il y avait toujours une femme, hein, parce qu'on sait très bien que derrière chaque grand homme, il y avait une femme qui chialait. Bon, on le sait. Alors, il y avait effectivement une femme derrière. Plus ça change, plus c'est pareil. Les Templiers et les Vikings venus cacher le trésor, combien sont-ils? Des Templiers, de Vikings ou de trésor? J'imagine que c'est les Templiers, mais comme je ne suis pas fort dans l'imagination, disons que c'est les Vikings. Deux Templiers, deux frères. Les Vikings, est-ce que c'était des Templiers? Une gang de Vikings. Qui transportaient le trésor et les deux Templiers? Les Vikings, eux, les Vikings avaient reçu surtout les clés pour pouvoir, à un moment donné, envahir certaines civilisations plus au sud qui étaient européennes. Les Vikings ont transporté deux personnages avec le trésor pour les amener vers l'Amérique, alors qu'à l'époque, l'Amérique n'est pas connue. Les Templiers connaissent, à partir de la légende du Nazaréen qui aurait passé trois jours sur une terre neuve entre ce qui est connu et ce qui est connu. Alors, eux vont donc déménager deux frères ici. Ils vont déménager le Graal, en l'occurrence la coupe, et ils vont déménager leur trésor. Sont-ils réincarnés en ce moment? Les deux personnages ne sont pas réincarnés parce qu'ils ne sont pas morts. Le Graal étant ce que le Graal est. Est-ce qu'ils sont encore les gardiens du... Ils sont, oui, ce sont les gardiens du trésor, si on peut parler de gardiens. Ils sont un peu défrichés. Ont-ils un rôle à jouer actuellement? Ça répond à la question. Uniquement préserver le Graal, puis le Graal ne sera pas découvert en tant que trésor. Ils préservent aussi le trésor des Templiers parce que ce sont deux moines chevaliers. Ce sont des Templiers. Et... Je peux en parler longtemps, c'est parce que ça serait très long. Il y a des personnes intéressées à des trésors. Ici, il y en a, en l'occurrence, c'est un coco. Et toi, il intéressé au trésor, c'est l'île des cocos. Mais les deux personnages en question, ils existent toujours. Ils sont tout près du trésor. Ils le protègent. Et de temps en temps, ils créent des manifestations particulières qui excitent énormément les forces armées canadiennes et américaines dans la région. Ont-ils un rôle à jouer dans quelques temps? Oui, dans quelques temps. Que contient ce trésor? Ça ne sert à rien de dire ce qu'il contient, ce serait plutôt de pouvoir dire ce qu'il peut permettre, et il peut permettre à l'humanité qui est là. Le trésor lui-même, c'est qu'est-ce qu'il contient? Bon. Il y a la coupe du Graal, et il y a certains autres petits talismans particuliers qui servaient à l'époque, parce qu'une partie des Templiers adorait le baptiste, et il y avait même la tête du baptiste qui leur parlait, selon la légende. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait en sorte que les rois et le pape ont pu décider de tuer les Templiers. Donc, de tous les tuer, parce qu'ils adoraient d'une façon impie l'évangéliste, enfin celui qui passe avant, donc Jean le Baptiste, et non pas le Christ. Alors qu'un autre parcelle adorait le Christ. Mais le Baptiste, c'est un personnage qui s'est réincarné de plusieurs fois d'ailleurs, assez que même certains Juifs pensaient que le Nazaréen était aussi le Baptiste réincarné. Donc, c'est un personnage qui est extraordinairement important, qui est présentement réincarné au niveau du Québec. Il est même digéré, donc il n'existe plus. Et comme je dis souvent, quand on loue ici la Saint-Jean, qui est la fête nationale du Québec, K-E-B-E-K, Québec ésotérique, la Terre blanche, là où va naître la sixième race, eh bien, on appelle cela la Saint-Jean-Baptiste. Et puis, le Jean-Baptiste, c'est un enfant blanc aux cheveux blonds. C'est pas un juif. Il y a tout le symbole même du baptiste enfant. Alors, il y a dans la légende, nécessairement, dans l'ésotérisme aussi, de plusieurs choses, des trucs qui se retouchent. Alors, au niveau des Templiers, les personnages même qui ont caché le trésor ont caché des choses qui ont appartenu à différents personnages. Et ceux qui pourraient avoir accès à ce trésor-là auraient l'immortalité physique immédiate. Je le disais à un moment donné dans une conférence réservée aux séminaristes, mais justement, si tu es immortel, tu pourrais économiser assez pour acheter la dette à un moment donné, plus que tout le monde. Mais ça permet aussi d'alchimiser les choses, donc de transformer les métaux vils en métaux précieux. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un trésor immense. Tu n'as rien qu'à mettre tes affaires dedans et puis les sortir, c'est de l'or. Saint-Germain avait la capacité de fabriquer des diamants. Il était riche, Saint-Germain. Il fabriquait de l'or aussi. Il purifiait même les pierres. On lui amenait des pierres précieuses qui n'étaient pas tout à fait parfaites. Et lui, il les ramenait une semaine après, elles étaient parfaites. Le trésor permet des choses de ce genre-là. Sauf que la clé pour pouvoir travailler avec le trésor, ce n'est pas de trouver le trésor, c'est d'être soi-même un trésor. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ce que le Perceval appelle la pureté totale, dans le phénomène d'Excalibur, Perceval se présente nu devant le Graal. Il n'a pas d'armure. Mais justement, si l'être humain est toujours entouré de son ego, entouré de toutes les barrières, donc s'il n'est pas transparent, entouré de toutes les barrières qu'il place devant chaque être humain, devant lui-même, devant ses dieux, devant toutes les énergies du monde, il ne peut pas se servir de ce trésor. Il ne peut pas atteindre le Graal, et il ne peut pas atteindre toutes les mécaniques qui vont permettre à l'être humain de devenir un surhomme. Une surfemme et un surenfant. Pour la simple raison qu'il doit être capable d'être totalement transparent. La transparence, on en a parlé de temps en temps. Dans les légendes, on en parle aussi. Ceux qui, à un moment donné, pourraient louer le film Excalibur, qui est la plus belle traduction d'une légende dans sa réalité historique, ben effectivement, Perceval doit se présenter nu devant le Graal. Alors que tous les autres chevaliers de la table ronde sont en train de mourir, mangés par des corbeaux. Corbeaux, symbole de la mort, mais symbole de la mort dans l'âme. Symbole du sorcier, symbole de l'âme pesante, et ils sont tous attachés dans leurs armures. Et l'armure, c'est ce que l'humain pense qu'il est, c'est ce que l'humain veut que les autres pensent qu'il est, et ce n'est pas ce que l'humain est, parce qu'on est toujours trois. Donc, la personne qui trouverait le trésor des Templiers devrait être déjà elle-même un moine, chevalier, pas qu'il va se battre, mais dans l'ésotérisme du langage. Un moine chevalier. Si ce n'est pas par le processus réincarnationnel, comment reviendra Merlin? Qui ou quoi permettra son retour? Merlin dort. Merlin n'est pas mort. Donc, il va se réveiller. Et il va se réveiller dans les années qui vont venir. Et c'est quelqu'un qui l'a connu qui va aller le réveiller. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on instruit simplement le monde astral. Et puis, à un moment donné, ça nuit. Comme quelqu'un me demandait, si Saint-Germain est ici, son nom c'est quoi? Ce n'est pas la peine de le dire. Exactement comme si on aurait dit, le Nazaréen vient de naître, c'est un tel qui reste à telle place. Mais dans l'astral romain, ben, automatiquement, on l'aurait repéré pour l'aurait tué. Alors, personne ne pouvait en parler dans l'astral romain. Les mages savaient, les mages n'ont rien dit. Et ils en parlaient le moins possible. Ils en parlaient en langage d'oiseau. Rien de clair, les Romains ne font comprendre. Il y a des choses encore qu'on ne peut pas dire, ça va nuire. Puis on dit encore, ben oui, on dose la superstition. Vous êtes vivant? C'est de la superstition. Bonsoir. Bonsoir. J'assiste pour la première fois à votre conférence et j'aimerais savoir ce qu'est un ego et un âme. Encore, disent certains égaux. L'ego, c'est la partie chez l'humain qui se plaint tout le temps. C'est la partie qui doit être fondue. J'appelle cela anégoïsation, qui doit être anégoïsée. Et il y a des personnes qui le savent, mais qui ne veulent pas l'entendre parler. L'âme, c'est ce qui... L'âme, c'est délimité par un périsprit, une enveloppe d'énergie vitale qui habite le corps physique. L'âme, c'est ce qui cumule toute la mémoire, toute l'information qu'un corps physique va canalisé vers lui tout au long de sa vie. Donc, l'âme, c'est ce qui va finalement être l'expérience de l'humain. Mais en même temps, l'âme, elle est reliée par un canal réincarnationnel à un égrégore particulier, le monde de la mort. Dans l'égrégore catholique romain, vous êtes venu au monde, vous avez une âme, l'âme va se former à travers votre jeunesse, à travers votre adolescence, à travers votre vie d'adulte. Mais tout ce que vous vivez doit être exprimé sous forme d'émotion, et l'émotion sert uniquement à nourrir un égrégore divin. Le canal réincarnationnel est une clé. De ce fait, toutes les religions du monde vont s'entendre sur certaines choses, les égrégores divins, ce que l'humain souvent appelle Dieu, et qui est en réalité l'ongle de l'orteil de Dieu. L'humain va le prier, l'humain va l'adorer, et l'humain va le nourrir. Et c'est pourquoi on va continuellement baptiser les âmes, donc les êtres humains, en fonction de clés massives. Dans l'Église catholique romaine, on prend un égrégore d'un nom, toutes les femmes seront baptisées Marie, et d'autres noms, les noms de personnages de l'Église, si possible. Les hommes seront baptisés Joseph, et les noms de l'Église, si possible. De façon à ce qu'à leur mort, l'âme gagne cet égrégore-là, et ne va pas nourrir un autre Dieu. Vous changez de religion, on vous rebaptise. Vous devenez juif, on vous appellera Isaac, Jacob, des noms juifs, pour que vos émotions nourrissent le Dieu juif, pour que quand vous allez mourir, vous gagnez le monde juif, l'égrégore juif, et non pas le monde de la mort, catholique ou bouddhiste, ou etc. L'âme, c'est donc le réceptacle qui fait qu'on peut s'asseoir les uns à côté des autres sans trop être mélangé. Et c'est d'ailleurs ce qui meurt, quand l'être humain meurt, le corps physique meurt, l'âme gagne le plan moronciel, un plan de transition. Il touche le monde de la mort, qu'on appelle le ciel, le nirvana, le purgatoire. Le périsprit se défait et les mémoires gagnent le monde de la mort, et là, vous êtes dissous. Et l'Église catholique dit que lorsque l'être humain meurt, il retrouve ceux qu'il a aimés et connus pour l'éternité. Vous fusionnez à eux, et lorsque vous réincarnez, vous n'êtes pas ce que vous avez été. Pourquoi l'humain ne se rappelle pas exactement ce qu'il a été dans les vies antérieures? Il a donc été plusieurs choses. À travers l'enfant jusqu'à l'adolescence, on doit fusionner les personnalités réincarnatives. Et c'est surtout l'adolescence qui devient pénible. Les différentes personnalités commencent à se battre. Et comme on réincarne 24 heures sur 24 des choses, à l'adolescence, des mémoires d'adultes commencent à venir prendre le corps de l'adolescent pour en faire un corps d'adulte. L'enfant lutte donc contre l'adulte. Il est totalement perdu. On parle de crise. Crise psychologique, crise de l'adolescence. Ce n'est pas nécessaire que tous les adolescents le vivent, mais 99,897, on le précise, le vivent. Bon. L'ego, qu'est-ce que c'est? À travers l'expérience dans l'âme, il y a des expériences qui sont régulièrement revécues. Étant revécues, elles se connaissent, se connaissant, elles s'agglomèrent, s'agglomérant, elles deviennent une masse. Cette masse va porter le nom d'ego. Et c'est cette masse qui va maintenant essayer d'attirer toutes les expériences extérieures pour que l'humain répète les mêmes habitudes de façon à créer des mémoires qui sont identiques. On parlera donc d'égocentricité. Tout sera centré vers l'ego. Mais c'est essentiel pour que l'ego se nourrisse. L'ego va maintenant engendrer chez l'enfant des désirs, des émotions, des mémoires qui vont l'amener à souffrir ou l'amener à être heureux. Parce que l'ego est uniquement basé sur la mémoire, il va devenir un être qui va s'accaparer d'habitudes, on aura des habitudes, qui va se fier à la tradition, il sera traditionnaliste, etc. L'ego, c'est ce qui va amener la souffrance chez l'homme et chez la femme et chez l'enfant, et parce qu'il y a souffrance, à un moment donné, va apparaître un légiférateur, l'intellect. L'intellect va devenir le mental à la longue, et le mental va finir par se dissocier de l'ego. Et là, il y aura une guerre dans l'individu. Et là, maintenant, progressivement, l'ego devra commencer à mourir, à être anégoïsé. C'est-à-dire que l'énergie de l'ego servira pour créer ce que moi j'appelle le double éthérique, un contenant qui sera placé dans le plan moronciel. Et lorsque l'être humain meurt, rendu à une phase d'évolution anégoïsante, lorsque l'ego fond, âme, sang, ego, l'ego, anégoïsation, lorsque l'être humain meurt, son âme va dans le plan moronciel, mais là, elle est attirée par les lumières du monde de la mort, voyant le double éthérique, qui est elle-même une copie conforme de ce qu'il est, l'individu, la partie la plus évoluée de l'être humain va vers le double éthérique et ne meurt pas dans le monde de la mort. C'est ce que le Nazaréen a permis, ouvrir les portes du ciel, faire en sorte que l'humain sorte du ciel. Et par la suite, s'il y a réincarnation, là, vous vous rappelez totalement ce que vous avez été, vous continuez votre vie sans nécessairement revivre ce que l'humain a toujours vécu à travers les temps. Donc, l'ego, c'est la partie concentrée de la mémoire qui va dire... Tous les médecins sont des imbéciles. Immédiatement, l'ego qui ne vit que de médecine, si les médecins se sentent insultés. C'est l'ego. C'est l'ego qui crie, c'est l'ego qui trouve que c'est pas beau, c'est l'ego qui s'ennuie, c'est toujours l'ego qui fait tout cela. Et c'est l'ego qui devient le principe maître de la manipulation de l'humain. On peut vous manipuler facilement parce que vous avez un ego. Si on vous insulte, on insulte l'ego. L'ego se sent attaqué, ça ne nourrit pas, automatiquement il réagit. C'est l'ego aussi qui rend le corps malade, qui le fait vieillir et qui le tue. L'âme, c'est donc l'enveloppe. L'ego est au centre, c'est le cœur. L'homme, c'est autre chose. C'est de l'esprit, puis l'esprit, c'est un mot galvaudé. Vous faites de l'esprit, vous êtes drôle. J'ai vu un esprit, un fantôme, et esprit que ça va mal. Bon, mais l'esprit, c'est autre chose. Et spiritualité vient du mot spirit, esprit, mais spiritualisme vient aussi du mot esprit, jouer avec les mondes, le monde de la mort. Donc, un mélange. Moi, je parle d'esprit-ritualité pour parler de le vrai contact avec l'esprit, pour ajuster les mots. J'ai entendu dans une de vos cassettes que l'humain avait la possibilité d'aller dans une forêt, seul, et d'en ressortir avec soi un pistolet en plastique ou même un journal imprimé, sans utiliser nos technologies. Cela doit prendre beaucoup d'anégoïsation. Non, ben, c'est dans les D'imagination. D'imagination. C'est que les cassettes déforment souvent ce que je dis. Vous savez, les cassettes, quelqu'un qui l'écoute souvent, ça fait des perturbations magnétiques. Comme même mes livres. Quelqu'un lit mes livres, il dit, vous avez dit dans votre livre. C'est parce que tu le trouves, brosser le livre, les lettres sont mélangées, tu sais, c'est que ça... Oui, je sais pas. Ou il y en a qui vont dire qu'il y a une faute. Il n'y a pas de faute quand tu l'écris. Ben non, absolument pas. Alors, j'ai entendu dans une de vos cassettes que l'humain avait la possibilité d'aller dans une forêt, seul, il peut y aller avec plusieurs, bon, et d'en ressortir avec soit un pistolet en plastique ou même un journal imprimé. Oui, ou une banane, ou un banana split, ou un Big Mac. C'est vrai. Sans utiliser notre technologie, cela doit prendre beaucoup d'imagination. C'est une question. Qu'est-ce que c'est que notre technologie? Imaginez-vous bien que quand ils ont inventé l'hélicoptère, elle volait. L'hélicoptère, ça volait. Et puis quelques années après, ils ont découvert qu'elle ne pouvait pas voler. Alors, ils l'ont rectifié. Mathématiquement, le faux bourdon est trop pesant pour voler. Il n'a pas les ailes pour voler. On parle de technologie souvent. Et regardez dernièrement. Il y a un médicament, vous connaissez le 714X? Ça? Et une personne, un imprimeur, m'a demandé, il y a à peu près 6-7 mois, si, qu'est-ce que j'en pensais. Le médicament, c'est un médicament qui s'attaque, qui ne guérit pas tous les humains, c'est important. Il s'attaque surtout au corps vital de l'humain et ça dépend de l'humain. Donc, il fonctionne, il peut ne pas fonctionner. Et là, on va dire, oui, ça n'a pas de maudite allure. La pénicilline, ça guérit des gens. Ça tue ceux qui sont allergiques. Mais c'est un médecin qui l'avait. Et, en plus, ça vient de la, il est comme l'insuline, ça vient de la pisse de jument enceinte, tu sais. Bon, mais il fait confiance, manne-toi. La technologie, qu'est-ce qu'elle peut permettre? Je reviens encore sur la même idée. Quand vous plantez une graine dans le sol, est-ce que c'est notre technologie qui fait qu'elle pousse? Elle pousse tout seul. C'est un morceau de bois que vous mettez dans le sol, vous mettez peut-être de l'eau, puis à un moment donné, subitement, avec un phototropisme absolument extraordinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les racines ne poussent pas par en haut et la plante par en bas. Ça pousse toujours du bon bord. Mettez la graine dans tous les sens, ça poussera toujours du bon bord. Il y a une partie où ça sort. Ça va sortir et ça se dirige. Mettez-la 6 pieds sous terre. Si elle ne meurt pas, elle va se diriger pareil vers le haut. Elle le sait. Pas besoin de boussole. Elle, bon. Les racines vont à la bonne place. Il y a de l'eau là-bas, les racines vont aller vers l'eau. Comment ça se fait que ça se développe là où il y a de l'eau? L'eau l'attire, c'est ça. Le sorcier se promène avec une baguette de coudrier, trouve de l'eau, son riz. Mais que la plante dirige pour trouver de l'eau, ça tout le monde le sait. Ça, c'est scientifique. Je répète, la science décrit n'explique pas. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à quelque chose? C'est de la pensée. C'est du mental ou de l'astral. À un moment donné, il concentre la pensée et il en fait de l'énergie vitale. Il concentre l'énergie vitale et ça devient de la matière. C'est matière à réflexion pour la majorité des gens. N'empêche qu'on peut créer. On ne veut pas l'accepter, on peut créer. Il y en a qui se guérissent uniquement, puis on leur dit « Ah, oh, ben, c'est psychosomatique ». Ben c'est ça. La majorité se rend malade, puis ça c'est psychosomatique et on l'autorise. Effectivement, l'individu peut s'en aller. D'ailleurs, dans quelques temps, il va arriver quelque chose ici intéressant. C'est qu'il y a des personnes qui vont avoir accès aux trésors placés dans le monde de la mort par la majorité des humains. Et ils vont prendre cette énergie-là, ils vont être capables de travailler la matière. Le Nazaréen marchait sur l'eau. Voyons donc, il aurait pu marcher 6 pieds dans l'air aussi. Il aurait pu voler comme Superman. Il s'ajustait aux besoins des miracles que les gens avaient besoin. Bon, il peut traverser les murs. Il guérissait des malades, il a ramené Lazare. Lazare n'était pas mort, remarquez, il était encore vivant, il dormait. Qui était conscient dans le monde de la mort, différemment des humains. Et on peut faire. Il y a des personnes qui font de la magie, qui sont, on l'appelle des illusionnistes. Ça, c'est une chose. La majorité des illusionnistes réussissent le vrai miracle une fois sur 100. Parce qu'on leur demande de le répéter, à un moment donné, ils inventent le truc pour pouvoir le réussir. Blavatsky, c'est ce qui l'a miné. Et il y en a plusieurs comme ça, à un moment donné, qui ont inventé des trucs parce qu'ils ne contrôlaient pas la mécanique. Des miracles. C'est pas des miracles. C'est un racle total. C'est pas juste des moitiés de racle. Non. Qu'est-ce que cela nous apportera de devenir des êtres conscientisés ou hommes nouveaux si lorsque nous passons dans le monde de la mort, on devient des guides de lumière et que l'on tête l'énergie vitale des humains? La réponse la plus convenable, ce serait, vous allez le savoir lorsque vous allez être conscientisé. En attendant, si on l'explique, c'est toujours coloré par les besoins et les désirs de l'ego, les colorations de la tradition, etc., et les peurs. Par contre, la question est suffisamment bien posée. Bon, lorsque nous passons dans le monde de la mort, on devient des guides de lumière. Lorsque l'âme gagne le monde de la mort, le périsprit, c'est ça, la lumière, ne peut pas traverser dans le monde de la mort, c'est pas le même niveau énergétique. Cette partie-là qui a la forme de votre corps physique, elle peut rester animée pendant un laps de temps et elle est lumineuse pour la vision spirituelle de celui qui fait un voyage astral, celui qui rêve, de celui qui, à un moment donné, vit un décès clinique, mais qu'on peut ramener. Donc, comme le docteur Moody en a parlé à un moment donné, il y a plusieurs personnes comme ça qui ont goûté ce monde. Ils deviennent des guides de lumière, certains peuvent devenir des fantômes, donc ce sont des guides de lumière aussi, mais disons un peu moins intéressants. Mais vous n'êtes pas un guide de lumière. Et c'est pourquoi on doit continuellement faire attention. Vous êtes un corps de chair, un corps physique? Non. Le corps physique, il est constitué de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, entre autres, et d'azote. Exactement comme l'atmosphère, exactement comme les plantes. Peut-être pas les plantes en plastique, mais celui-là, oui. Comme plusieurs choses. Quand vous touchez deux êtres humains, les liaisons atomiques qui relient les atomes entre les deux corps physiques sont similaires à ce qui les relie à l'intérieur. Puis on n'est pas mélangé. Quand vous buvez de l'eau, vous la faites votre corps. Quand vous urinez, vous la rejetez. Quand vous vous baignez dans l'eau, dans une piscine, vous êtes entouré d'eau. Vous dites, c'est pas moi. Vous en buvez une gorgée, ça devient vous. Il y a beaucoup d'illusions à l'intérieur de cela. Alors quand on dit, on devient un guide de lumière, une partie de ce qui vous constitue devient un phénomène lumineux, dans le plan moronciel, le plan de transition. On dit, le corps physique pourri, je suis mort. C'est pas vous qui êtes mort. Les mémoires de l'âme gagnent le monde de la mort et sont digérées dans le monde de la mort comme le corps dans le monde de la matière. Ce n'est pas vous. Mais c'est l'ego. Et comme la majorité de ce qui est exprimé chez l'humain, c'est l'ego, l'ego considère que c'est lui. Alors il dit, c'est moi. Ce n'est pas vous. Vous êtes un petit doigt placé dans le corps physique. Vous n'êtes pas grand-chose. Moi non plus. Mais dans la réalité cosmique, c'est énorme. Mais dans la réalité non-britique, dans la conscience limitée de l'animal humain ou du corps physique, c'est petit. C'est pourquoi on doit obligatoirement se fier à notre intuition. Laissez-vous imaginer des choses. Souvent, dans ce que vous allez imaginer, ça sera totalement faux. Et probablement beaucoup plus près de la réalité que tout ce que vous allez logiférer ou voir avec la matière. On devient des guides de lumière? Non, une partie de vous, oui. Et on tête de l'énergie vitale au niveau des humains. C'est plus vous. C'est comme, par exemple, vous êtes une maladie. Vous n'êtes pas une maladie. Vous têtez de l'énergie autour pour le guérir? Non. La maladie tête, le corps physique tête, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme et ce n'est pas l'enfant. On est autre chose. On s'identifie trop facilement à la forme. Le corps, entre autres. Ou encore, même la forme, qu'est-ce qu'on laisse? Qui es-tu? Ah, moi, je suis un bon gars. Qui es-tu? Ah, moi, je suis un mécanicien. On n'est pas cela. C'est qui, elle? Elle, c'est ma femme. On parle vraiment le langage des tortues. Parce que nous sommes vraiment autre chose. On n'est pas des dieux en potentiel. On est de l'intelligence. Et elle doit s'exprimer. Pour ça, il faut que l'ego apprenne à vous autoriser à vous exprimer. Et l'ego, c'est le plus grand empêcheur de tourner carré. Qui était Jeanne d'Arc, ésotériquement parlant? Jeanne d'Arc, c'est une martyre. C'est une personne totalement manipulée par les visions de l'Église, par la vision pure de l'Église, en confrontation totale avec l'Église à l'époque, qui, elle, exprimait une vision corrompue. Jeanne d'Arc était un peu comme D'autres personnages l'ont été, disons pas aussi puissamment que François, que certains appellent Saint-François, Saint-François d'Assise, il vivait à Assise. Jeanne d'Arc était une mécanique de préservation d'une forme d'intégrité de l'Église. Canalisé évidemment par l'Église, qui était canalisé dans certaines formes d'expression sociale de l'époque, mais chaque fois que l'Église était corrompue, chaque fois qu'une religion est corrompue, un plus que parfait arrive, et souvent, eh bien, il paye le prix, mais il gagne une place au ciel. Était-elle ça ne sert pas à grand-chose. Était-elle une sorcière blanche avant d'être missionnée? Ben oui. Pourquoi et qui avait réellement choisi une jeune fille de 19 ans, ce qui était complètement exceptionnel pour l'époque, pour, je ne comprends pas le mot, mais je pense que c'est expulser ou les Anglais hors de la France, pourquoi une femme au lieu d'un homme? Pour la simple raison qu'à l'époque, les corps physiques les plus convenables étaient les corps physiques de femmes. Pourquoi jeune? Parce que ça n'a rien à voir. Finalement, ils ont ramassé quelqu'un avant qu'elle devienne un peu trop adulte. Et pourquoi une femme, l'intelligence ne se pose jamais ce genre de questions. Dans les corps physiques qui se donnent, et puis c'est bien. Il y en a eu plusieurs femmes qu'on ne connaît pas. Je pensais que c'est parce que ça brûlait mieux. C'est une théorie. Alors, ceux qui ont des moustaches, qui en ont-tu des drôles de théories? Tu as une petite moustache, mais j'en connais un qui t'aime de ses moustaches. Qui... Ouais. Et des théories. Des grosses théories. Elle a fait confiance à autre chose qu'à ses sens et pourtant, elle a fini brûlée sur un bûcher. Non. Elle a fait confiance à autre chose que ses sens. Bon. Prenez l'exemple de tous ceux qui sont morts pendant les guerres. Ils ont fait confiance uniquement à leurs sens. Bon. Alors, on ne peut pas dire qu'elle a fait confiance à autre chose que ses sens. Ça n'a pas fonctionné. Ben, tous ceux qui meurent régulièrement, toute l'humanité du passé fait confiance à leurs sens, sont morts aussi. Bon. Mais elle, elle n'est pas morte sur un bûcher, la pauvre. Mais non. Elle n'était déjà plus dans son corps quand le corps brûlait. Elle n'est pas morte sur le bûcher, elle. Qui est David Copperfield, un illusionniste, un magicien ou aucune de ces réponses? Comment ça te connaître? C'est aucune de ces réponses. Mais, toujours la même chose, il se trouve que David Copperfield est ABC. Bon. C'est un illusionniste, c'est un magicien et c'est aucune de ses réponses. C'est un bonhomme qui, à un moment donné, a été manipulé par certaines forces. Il a été capable de faire certains miracles. Son ego en a pris une claque. Il a essayé de recréer les miracles. Il n'a pas été capable. Alors, il a été suffisamment en contact avec son intelligence pour être capable, dans le mental, de recréer des illusions plus que parfaites pour simuler les miracles qu'il avait créés. De temps en temps, ça ne va pas. Et c'est même ce qu'il requiert comme illusion n'est pas bien. C'est-à-dire qu'un magicien, par exemple, qui regarde des vidéos qu'il a faites, peut expliquer à quelqu'un qui est à côté de lui tous les trucs qui sont utilisés. Alors que pour le commun des mortels, c'est extraordinaire, ça ne se peut pas. Ben justement, ça ne se peut pas. Par contre, David Copperfield est un personnage qui a de l'énergie vitale. Une nouvelle forme d'énergie vitale. C'est une énergie vitale éthérique. C'est un personnage qui a effectivement la capacité de faire disparaître des choses, de bouger des choses à distance. C'est un personnage qui peut faire des miracles. Et qui, parce qu'il fait des spectacles, il a perdu la capacité de contrôler le temporel de ses miracles. Il ne peut plus les faire lorsqu'il veut. Son rôle présent est surtout de préparer certains cartésiens à cette apparition prochaine de la mécanique du miracle. D'autres humains feront des miracles, mais des miracles plus puissants que les siens. Traverser la muraille de Chine, c'est facile parce que c'est truqué. Bon, mettre les mains au-dessus d'un enfant, le soulever, le changer de place, c'est facile parce que c'est truqué. Et les personnes qui ne sont pas habituées, ne voient pas le principe. Comment que... Et ceux qui ont vu le vidéo, à un moment donné, pourraient le revoir aussi. Vous avez juste à fouiller un petit peu. Je vous donne un exemple comme ça qui est facile. L'exemple de l'enfant. Alors, on voit David Copperfield qui approche du jeune. Il est assis. Il fait 3-4 passes et le jeune tombe en état de léthargie. Il place ses mains au-dessus, à quelques pouces. Et là, il soulève le jeune et il le change de place. Après, il le réveille. Comment il fait? C'est facile, si vous avez un peu de muscle, vous allez pouvoir le faire. Alors, si on regarde la vidéo, on se rend compte qu'il place ses mains un peu en bas, et par la suite, sa main lève de 3 pouces. Il vient d'accrocher son crochet. Et là, lorsqu'il amène l'enfant, à un moment donné, l'enfant bouge légèrement. Bon, il est suspendu par un point. Et lorsqu'il le place sur la chaise, il descend ses mains par en arrière de la tête de l'enfant, donc il décroche son crochet, et il tient ses mains droites, il rentre à l'intérieur, lorsqu'il se pointe, il est par en bas, le crochet sort de la veste, et il réveille le jeune qui, de toute façon, jouait avec lui. Bon, j'ai été, pendant quelques années, magicien à l'hôpital Saint-Justin. Je faisais apparaître des enfants malades. Pas de faire apparaître des docteurs, les compétents. Je m'amusais avec les jeunes, on faisait certains tours de magie intéressants. Bon, et il y avait des trucs aussi. Et après ça, on peut voir les trucs facilement. David Copperfield, c'est un bonhomme qui doit instruire certains, surtout au niveau de l'Amérique, il prépare les terrains aussi, pour justement l'avenue de certains miraculeurs. Est-ce que Maitreya a été court-circuité comme le Dalai Lama, ou si c'est le vrai? Maitreya, c'est le vrai, mais c'est le faux. Quand ces choses se produisent, est-ce que les vrais sont mangés, digérés, désormais inexistants? Maitreya, c'est un personnage extraordinaire qui va donner un coup de pouce phénoménal à l'évolution de l'humanité. Et c'est un personnage qui va avoir la capacité de digérer en termes de mémoire réincarnationnelle les mémoires de Mahomet, les mémoires de Bouddha, donc il va être capable d'allier ces deux peuples, les mémoires de Jésus-Christ, donc il va avoir la capacité d'allier ces trois peuples, les mémoires de plusieurs autres personnages, et il aura effectivement un rôle spectaculaire. Sinon, où est le vrai? Que fait-il? Viendra-t-il faire son travail quand même? On doit comprendre qu'il n'y a pas le vrai, qu'il y aura plusieurs phénomènes vrais. Et à travers certains parmi vous, qui vous voyez encore comme des êtres humains, il y a aussi des personnages qui, à un moment donné, dans les années à venir, auront des choses, des rôles, des fonctions intéressantes à jouer. Mais Maitreya, ce n'est pas le vrai, c'est un personnage qui, majestueusement, aura un rôle planétaire à jouer. Et après Maitreya, il vient encore d'autres choses. Pour l'évolution humaine, quelle est la conséquence de ces interférences et du vol du corps prévu pour un être, par un être de lumière, mais utilisé par quelqu'un d'autre? Les êtres de lumière n'arrivent à peu près pas à piquer les corps physiques. Ils manipulent simplement les personnes trop spirituelles pour les guider, pour les diriger. À quoi ça sert? Ça sert à continuer à nourrir le monde de la mort. Pourquoi? Parce que les personnes qui auront une autorité mentale dans l'astral, ce qu'on peut appeler chevaucheurs de lumière, on parlait à un moment donné d'aristocratie planétaire, parce que les individus qui seront totalement désassujettis de leur ego, donc un égoïque, ceux qui ne seront plus manipulables par les voies normales de manipulation de l'humain, les voies qui rendent heureux et malheureux, ces personnages-là n'étant pas suffisamment prêts, ils ne peuvent pas encore contrôler le monde de la mort, donc le monde de la mort n'est pas encore prêt à être dissous, ce qui fait qu'on continue à le nourrir. Jean de Patmos dit qu'un jour, l'être humain ne pourra pas trouver la mort. Le monde de la mort aura totalement été digéré par certains personnages dans le contexte planétaire. Ceux-là bénéficieront du processus du miracle. Alors, les personnes qui mourraient se réincarneraient instantanément, donc ne pourraient pas trouver la mort. Il y a des choses comme ça qui, dans quelques années, vont être un peu plus concrètes. Quand un extraterrestre dit à un terrien, le terrien se met à genoux devant l'extraterrien. Est-il prévu qu'il y aura beaucoup plus de terriens à genoux que debout? Là, il mange les restes de l'autre, puis il dit qu'ils sont extraterrestres. Ça? Quand un extraterrestre dit un terrien, le terrien se met à genoux devant l'extraterrestre. Parce que là, c'est vrai, le terrien se met à genoux devant l'extraterrestre. Mais le terrestre extra reste debout, et c'est l'extraterrestre qui va se mettre à genoux devant le terrestre extra. Mais le terrien, peut-être. Est-il prévu qu'il y aura beaucoup plus de terriens à genoux que debout? Je la réponds oui, parce qu'il faut reconstruire des escaliers pour monter. Il y aura effectivement beaucoup de terriens à genoux. Mais l'être humain, il a la capacité de supporter une dose d'esclavage. Alors, plusieurs vont se mettre à quatre pattes, à plat ventre, plusieurs vont se mettre à genoux, il y en a qui vont se pencher, il y a quelques-uns qui vont rester debout. Historiquement, ceux qui restent debout, les terrestres extras, vont non seulement être détestés et être poursuivis par les extraterrestres, mais ils le seront aussi par tous les terriens. Et à un moment donné, plus ça va aller, ceux qui étaient juste penchés vont commencer à voir au-delà des nuages et vont commencer à se révolter pour rejoindre les terrestres extras. Et progressivement, l'humain, on ne peut jamais le garder longtemps sous son joug. Les anciennes religions ont essayé, ils n'existent plus. Les moyennes religions ont essayé, elles n'existent plus. Les nouvelles religions, disons 2000 ans, aller jusqu'à aujourd'hui, tentent encore la même chose. Il n'y a aucune religion qui mène l'homme vers la libération en face de la religion. Mais l'homme lui-même va y aller. On ne peut pas continuellement manipuler l'humain. Alors, il y a des humains, effectivement, qui vont se mettre à genoux. C'est essentiel. Il faut comprendre le phénomène de l'équilibre. Et ça, c'est très, très mal compris par l'humain qui pense toujours qu'il y a une justice sur la planète. La planète Terre, c'est une planète, c'est une planète refroidissante. Ça fait partie des mondes refroidis où il n'y a pas de justice. Par contre, il y a une mécanique qui permet une ascension plus rapide. Au lieu de jouer sur des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années, ça va plus rapidement, ça va sur quelques milliards d'années. Au lieu de 300 ou 400 milliards, on va sur 15 milliards. Là où un être humain doit grimper, plusieurs êtres humains doivent descendre. Le potentiel énergétique qui serait équilibré et égal dans chacun des humains permet une évolution collective. L'évolution collective est une évolution stagnante. Alors, à un moment donné, on va défavoriser 15 humains pour en favoriser 15 fois plus un autre. Lui devient un marginal, devient un fer de lance, une pointe. Lui peut aller chercher plus haut ce que les autres ne peuvent pas. Et lui devra par la suite instruire ceux qui sont en bas. Donc, quand je dis, on a besoin effectivement d'escaliers pour monter. Dans plusieurs familles, certaines personnes disent « Comment ça se fait que moi, ça va bien et que mes frères ou mes sœurs, c'est ça. » Vous avez bénéficié karmiquement. Eux supporteront une partie de votre karma pour vous libérer. Et c'est pourquoi les trois quarts de la planète Terre souffrent pour qu'un corps vive un peu mieux. Nous sommes, dans le contexte évolué, un fer de lance de l'humanité. Alors, il y aura des pays qui souffriront, des pays qui auront la guerre sans arrêt pour que nous ne la connaissions pas. Ils auront des famines et des pestes, des maladies, des épidémies, pour que nous en soyons exempts. Et nécessairement, inconsciemment, l'humain se sent toujours un peu responsable de ce qui se passe, mais jamais on ne fait ce qu'il faut pour régler les problèmes dans les autres pays, parce qu'inconsciemment aussi, ou parce qu'archangéliquement, la manipulation planétaire fait qu'on ne doit pas les régler, parce qu'on va se mettre dans le problème. C'est juste du point de vue intelligence, c'est injuste du point de vue de l'amour. Et présentement, ce qui domine le plan planétaire, c'est de l'intelligence supramentale, de l'intelligence. Progressivement, elle sera ratifiée par des êtres humains qui seront capables de rendre l'intelligence amoureuse, avec un cœur. Une intelligence qui a du cœur, ou un amour intelligent. Mais en attendant, nécessairement, on ne doit pas chercher la justice. Alors, il y a plusieurs questions qu'on va se poser qui ne peuvent être répondues en fonction de la traditionnelle tradition, ou de la vision traditionnelle des choses. Est-ce que la cité de Seth est une histoire ou de l'histoire? La cité de Seth, c'est l'histoire, ou c'est une histoire de l'histoire. La cité de Seth, c'est une façon intéressante d'expliquer plusieurs mécaniques planétaires que plusieurs personnes sont prêtes à écouter, mais ne sont pas prêtes à l'écouter directement. C'est une légende. Wagner a écrit un opéra, Le Crépuscule des Dieux. Est-ce dans celui-là qu'on parle de Perceval? C'est ça. Est-il possible que tous ceux qui avaient à régler un karma ensemble avant 1990 aient été des réincarnations du passé et après 1990 n'aient plus rien à faire ensemble puisqu'ils ont finalisé ce karma et qu'en 1990 et les années à venir, de nouveaux couples se formeront et qui ont, eux, à être ensemble dans l'avenir? souvent, c'est ce qui va arriver, ce n'est pas le cas pour tout le monde, disons qu'on ne peut pas parler de trancher avec 1990, mais effectivement, dans les années 90 à l'an 2000, il y aura énormément de karma du passé qui sera réajusté. Les individus pourront être amis, pourront rester en couple, mais effectivement, il y aura plusieurs restructurations au niveau de la vie de plusieurs personnes. Lorsque nous voyageons dans l'astral, est-ce plus facile de communiquer avec toutes les entités qui nous habitent, de se rappeler d'où nous venons et de se faire de nouveaux amis, et de chasser ceux que nous ne voulons pas, ceux qui nous retardent dans notre évolution? D'une certaine façon, oui, mais ce n'est pas là l'évolution. L'évolution, c'est d'être réveillé, les deux yeux ouverts, les deux oreilles bien en forme, et de s'arranger pour ne plus être assujettissable aux mécaniques manipulatrices de la vie courante. Il fait chaud, vous vous surprenez à chialer, mais évoluez, chialez pas. Ça chiale en dedans, parlez-lui. C'est pas vous, c'est l'ego. C'est le colocataire de votre corps physique. Vous vivez n'importe quoi, vous vous faites encore ramasser. L'être humain, pas l'animal humain, l'être humain, dans son langage, il n'y a jamais d'insultes, jamais de fausses paroles. Il est transparent, il ne gueule pas, il n'est jamais impatient, il n'est jamais arrogant. Il n'a pas besoin de toute cette mécanique de défense qui est aussi la preuve d'une expression manipulatrice au travers de lui. L'évolution, on peut la faire par le monde astral, par le rêve, par le voyage astral, par la palingénésie, le ribeux, pour ceux qui parlent anglais. Et on perd énormément d'énergie, de temps. Si on veut fonctionner dans une initiation plus solaire, plus efficace, c'est simplement de continuer à vivre en se forçant par l'utopisation à exprimer ce que l'on aimerait être. On sait ce qu'on est. Quand je dis ce qu'on aimerait être, c'est une partie de l'ego qui aimerait que vous soyez les maîtres contrôleurs à bord. Alors, l'ego aimerait être. Vous n'aimez pas être. Quand vous faites des stupidités, vous le savez. Si vous le savez, c'est que vous êtes la personne qui ne les aurait pas faites. Mais quelque chose d'autre les a faites. Alors, à un moment donné, l'évolution s'arrange simplement pour le contrôler. Les rechutes, on en fait tant qu'on en veut. Ça n'a rien à voir. Quand vous en faites une, oubliez-la. Vous ne l'avez jamais fait. C'est du passé, tant pis. De toute façon, on ne peut pas rien changer dans le passé. L'évolution, elle se fait par la négoïsation. La négoïsation, c'est uniquement cela. Soyez heureux. Simple. Si l'être humain est capable d'être heureux, il s'en égoïse. Pas en recherchant le bonheur. Là, il n'est pas heureux. Pas en recherchant la liberté. Il n'est pas libre. Pas en recherchant les choses matérielles ou etc. Il n'est toujours pas dedans. Il pleut, il pleut, il pleut. Vous êtes mouillé, vous êtes mouillé, vous êtes mouillé, vous êtes mouillé. Oui, mais l'animal humain qui gueule, il jappe. C'est simple, très, très, très simple. On est dans le corps, nos cinq sens nous permettent de voir la réalité telle qu'elle est. Non, non, non. Pas nos cinq sens. Pour te dire. C'est uniquement dans le corps physique que l'être humain peut évoluer. Lorsque nous sommes sortis du corps, vois ce qui est réel. Bon, nos cinq sens ne permettent pas de voir la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous sommes sortis du corps, est-ce qu'on voit la réalité? La réalité, ce n'est pas perceptible et ce n'est pas visible. Avant le Moyen Âge, l'être humain avait une conscience bidimensionnel. Quand on prend les peintures ou les dessins du Moyen Âge, il n'y a pas de profondeur dans les dessins. La maison d'en arrière a la même grandeur et grandeur que la maison d'en avant. Les êtres de l'époque ne pouvaient non plus expliquer des conceptions de l'univers, des cosmogonies ou des cosmologies d'une façon tridimensionnelle, de façon plus d'envergure. À un moment donné, l'être humain, dans sa conscience, est arrivé à pouf, envisager la tridimensionnalité. Et là, les tableaux, les peintures, les dessins ont commencé à prendre de la profondeur. Mais dans l'explication cosmologique de l'humain aussi, il y avait maintenant de la place pour le gris, des nuances, de la subtilité. Pour quand on parle de la réalité, il manque encore chez l'être humain 9 autres visions de dimension. Il manque de la dimension. Le temps est une 4e dimension, sauf que la vision humaine du temps est une vision de vérité. Le temps, c'est une quantité d'espace. L'espace, c'est une quantité de temps. Albert Einstein avait touché à cela, et lui l'avait dit, nous sommes dans un espace-temps, donc une dimension, qui en résume quatre. Pour la majorité des humains, nous sommes dans quatre dimensions. Je vous donne rendez-vous demain matin à 5 heures, dimension temporelle, au coin de Crémazie et Saint-Denis, deux dimensions, au 25-25, disons 85-15 Crémazie, coin de Saint-Denis, et deux dimensions, au 25e étage, troisième dimension, plus le temps, quatre dimensions. Toute notre conception, elle est quadridimensionnelle. Nécessairement, la vision que l'on veut avoir de Dieu reste quadridimensionnelle. On essaiera de l'expliquer en disant « Dieu n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de fin. » Donc, il n'y a pas de temps. Il n'existe pas. Il existe tout le temps. Donc, il n'existe pas, pas dans notre dimension. On ne peut pas le rejoindre, on ne peut pas le toucher d'abord. On va dire aussi « Dieu est partout ». Partout, donc pas d'espace. Il ne peut pas être là. L'être humain, présentement, n'a pas encore la cérébralité, et ça, ce n'est pas l'insulte ou quoi que ce soit. On peut avoir suffisamment d'intelligence pour comprendre. Mais on n'a pas suffisamment de cérébralité pour engendrer les mots qui nous permettraient de communiquer l'information. Donc, un jour, vous allez comprendre des choses que vous ne pourrez pas communiquer. Et là, si vous n'avez pas appris à faire confiance, un tantinet à ce qui se passe chez vous, vous allez aller chercher de la confirmation ailleurs, ne pouvant convenablement dire ce que vous voulez voir confirmé, on ne pourra jamais non plus confirmer ce que vous voulez voir confirmé. Vous devrez donc accepter d'être un peu votre seul maître, de cheminer maintenant un peu vers votre réelle maison de sagesse, et non pas celle du collectif, ou la mienne ou celle des nôtres. Quand il y a certaines questions qui sont complexes de temps en temps, je m'amuse, dans certaines conférences, à expliquer dans des mots, et je joue avec des phénomènes de concepts intéressants, des néotypes, des nouvelles formes, et non pas des archétypes, des formes traditionnelles. Et là, l'être humain ne comprend rien de la conférence, mais il sort super énergisé, et ce qu'il voit et perçoit n'est plus comme c'était avant. C'est ça, de l'intelligence. L'être humain se sert de son intelligence. Alors, lorsque nous sommes sortis du corps, est-ce qu'on voit la réalité? La réalité accessible à l'humain, c'est simplement celle-ci. Il pleut, il pleut. Il neige, il neige. Ce n'est pas chiant, ce n'est pas du mauvais temps, ce n'est pas beau, ce n'est pas laid. C'est comme c'est. Mais il y a d'autres réalités qui englobent celle-là. Et pour cela, l'être humain ne pourra le comprendre que par énergiopathie en termes de communication. C'est une communication qui est beaucoup plus puissante que la télépathie, beaucoup plus puissante que la sympathie, et nécessairement beaucoup plus puissante que la communication orale. Il devra être énergiopathe, donc il devra être transparent, il devra être anégoïque, il devra déjà avoir un dométhérique, il devra être centré dans son intelligence et il devra être en contact avec lui-même. Pas les mémoires de lui-même. Si la chevalerie planétaire revient, les chevaliers de la table ronde, les femmes seront-elles aussi puissantes et reconnues que les hommes? Sinon, pourquoi? La chevalerie planétaire, ou l'idée même, quand on parle de chevalerie, on parle pas nécessairement du chevalier, celui qui chevauchait. Le destroyer, le cheval. Il y a cavalier, le cave, qu'on devrait attacher, hein? Cavalier, bon. Et il y a le chevalier. Lorsqu'on parle de chevalerie, on parle de l'aristocratie de la chevalerie. À l'époque, ils préservaient la veuve et l'orphelin. Mais c'était une vision convenable de l'idée, c'est-à-dire qu'il défendait tout ce qui était faible contre ce qui était fort et injuste. Et à l'époque, le faible était l'enfant, totalement bafoué, totalement violé, on s'en servait comme esclave, et la femme. Le chevalier, donc, devait, en termes d'expression, de donneur énergétique, et non pas donneur d'ego, il devait être un être capable de préserver la veuve et l'orphelin. Mais il y a autre chose aussi. Ésotériquement, la veuve et l'orphelin font partie des fils de Seth, des fils de Caïn. C'est-à-dire, à l'époque même de l'Église catholique, on a à un moment donné une personne qui va perdre son mari et qui va engendrer quelqu'un qui va devenir un orphelin. On parle de la Genèse. Donc, le chevalier devait préserver la veuve et l'orphelin. Ce n'est pas uniquement la femme et l'enfant sans parents. Et en même temps, c'était la femme et l'enfant. C'est-à-dire ceux qui vivaient, qui subissaient des injustices. Quand on parle de nouvelle chevalerie, on parle d'une chevalerie planétaire, nécessairement cela inclut qu'il ne pourra pas y avoir de séparation raciale. Mais il y a une race entre l'homme et la femme, on parle de sexisme. C'est un racisme. Dans la chevalerie planétaire, la réelle chevalerie qui ne sera pas créée, mais qui se créera, l'enfant sera inclus. La femme sera inclue, l'homme sera inclus. Il n'y aura pas de sexe. Il y a trois sexes, l'homme, la femme, l'enfant. Dans la chevalerie planétaire, c'est de l'androgyna. L'âge n'a rien à voir. L'enfant, il a 12 ans. L'enfant, il a peut-être 12 000 ans. Bon, ne regardez pas que le corps. La femme, rien à voir. La femme, elle avait un rôle en tant que femelle à jouer. L'homme, il avait un rôle en tant que mâle à jouer. Les deux l'ont bien joué. Maintenant, certains mâles en ont ras-le-bol. Certaines femmes en ont ras-le-bol. Certains enfants en ont ras-le-bol. Ceux-là sont probablement prêts pour une chose ou l'autre. Devenir des martyrs de l'adolescence de l'humanité, c'est-à-dire à entrer en quête, en guerre, ceux qui cherchent la libération de la femme, ceux qui cherchent la libération de l'enfant, la libération de l'homme aussi, ceux qui font des guerres. Et il y aura l'autre probabilité, ceux qui vont simplement s'allier, cesser de faire la guerre ou la quête, puis commencer simplement à vivre des choses. Chevalerie. Décrit les effets de la descente de l'implantation de l'agrégat spirituel dans la psychologie et le mental de l'homme concerné. L'homme, la femme, l'agglomérat spirituel peut descendre chez l'enfant, c'est assez rare. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe normalement que si ça descend chez l'enfant, il y a des jeunes que je connais, chez qui c'est arrivé, ou ça arrive. Ce sont des enfants qui ne se voient pas adultes. Ce sont des enfants qui, adolescents, ne sont pas adultes, restent enfants, ne veulent pas être adultes et finalement vont devenir des grands-enfants, mais pas dans le sens péjoratif du mot. Ce seront des adultes qui seront des enfants, ne seront jamais des vrais adultes. Ils ne seront plus des vrais enfants. Chez l'adulte, il a subitement une tendance à se voir revivre un plaisir juvénile. Il ne fait pas des folies, mais il a tendance à se revoir, revivre un plaisir juvénile. L'agglomérat spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de l'ego chez les êtres humains du passé. C'est la partie de l'ego qui a été la seule capable de se créer à partir de l'acceptation du neuf chez l'humain. Et normalement, c'est chez l'enfant que ça se crée. L'adulte accepte à peu près rien de neuf, alors que l'enfant est ouvert vers le neuf, sans peur, sans crainte. Plus il va vers l'adulte, plus il perd cette mécanique. Donc, l'agglomérat spirituel, qui est la conscience lucide d'un ego, lorsque ça meurt, ça se place dans les hautes sphères du monde spirituel, dans les hautes sphères du monde de la mort, une forme de nirvana samadhi, et lorsque ça se retrouve dans ces régions-là, ça conserve une intégrité de conscience. À un moment donné, ça va s'agglomérer ensemble suite à différentes vies qu'un humain vit. Et j'appelle cela agglomérat spirituel pour cela. Et à un moment donné, ça descend à s'incarner, ça vient donner un coup dans l'anti-homme, la partie de l'homme au niveau de l'ego, qui refuse tout ce qui est neuf. Tout ce qui est neuf. Et plus ça vieillit, moins ça déménage, moins ça change d'emploi, plus ça garde son linge, puis ça refuse de neuf. L'enfant, lui, ça change sans problème. L'agglomérat spirituel, lorsqu'il descend chez un être humain, c'est que le corps physique est suffisamment pur pour que l'âme soit suffisamment pure. Je ne parle pas des conneries que vous faites. Je parle de la capacité que vous avez de comprendre des choses. Votre âme est pure. De la capacité que vous avez de pardonner, mais d'oublier que vous avez pardonné. Alors, votre âme est pure. Parce que pardonner, c'est facile. Mais oublier qu'on a pardonné, votre âme est pure. Vous libérez un karma. Alors, lorsque cela arrive, l'agglomérat spirituel d'un contexte de vie se réincarne. Et l'individu, subitement, a le goût d'être jeune. Il est l'adulte. Mais un adulte qui n'agira plus comme les adultes. Lui a maintenant une force motrice pour travailler contre un anti-homme. Et normalement, le processus de négociation devient plus facile à ce moment-là. Quelles sont les complications de descendre de l'utérus et faut-il se faire opérer? Il y a un bonhomme qui suggérait de faire position de la perche du yoga pendant un an ou deux, ça se tenait sur la tête. Et Thierry se revenait. Il y a différentes façons de régler le problème. La façon la plus facile, c'est probablement de voir un médecin. Regardez ceci. C'est qu'il y a, s'il y a des centres d'utérus, c'est que nécessairement, il y a, on pourrait facilement trouver l'expression particulière de mécanique psychologique. Mais il y a de temps en temps des problèmes qui sont réglés alors que physiquement, c'est encore exprimé. Alors, l'individu peut prendre énormément de temps pour travailler, pour pouvoir psychologiquement la récupérer. On a aussi inventé une science pour justement sauver certains temps. Vous avez mal aux dents, il y a quelque chose à comprendre. Comprenez-le. Et après, allez voir un spécialiste des dents. Vous pourriez mettre de l'énergie, vous pourriez méditer, vous pourriez passer un mois ou deux pour régler des problèmes. Ça n'aurait pas la carie, ça prendrait des années. De temps en temps, il y a des problèmes. Le corps physique, c'est un véhicule. On doit l'entretenir au maximum. Sans virer fou. Autrement dit, on ne devrait pas faire une philosophie d'entretien, on devrait simplement l'entretenir par intelligence. Par logique. Bon, on mange végétarien quand le corps a besoin de végétaux. On mange carnivore quand le corps a besoin de carnivore. On n'a jamais besoin de viande, on n'en mange plus. On ne fait pas une philosophie de l'alimentation. Parce que là, c'est l'ego qui va déterminer si le corps a besoin, alors que c'est le corps et le corps vital qui devraient le déterminer. Donc, au niveau de la descente de l'utérus, on pourrait facilement trouver et expliquer ce qui a causé la mécanique. La personne peut voir un médecin, mais on voit toujours deux, trois médecins, hein? Pas ensemble. Sinon, vous allez rentrer dans les annales d'Alexandre le Grand. Mais on magasine. La meilleure chose, c'est de vous... Bon, enfin, c'est sûr que ça coûte toujours un peu d'argent, mais l'argent, c'est l'énergie. Vous savez, vous allez voir un acupuncteur, c'est 20 $. Oui. Puis passer trois jours, vous êtes réveillé. 20 piastres en trois jours, vous ne gagnez pas cher. On peut sauver du temps et de l'énergie de temps en temps en allant voir des gens. Mais il y a de plus en plus... Allez voir un médecin, dites-lui simplement, j'ai une descente d'utérus, puis j'ai l'impression que c'est parce qu'évolutivement, j'ai quelque chose à apprendre. C'est comme ça que vous devez aller voir un médecin. Le médecin vous dit, « Quoi? Sortez! C'est pas le bon médecin! C'est pas celui que vous devez aller voir! » Puis à un moment donné, le médecin va dire, « Ça se peut! » Il y en a des médecins qui vous attendent. Il y a beaucoup de médecins qui sont prêts à faire de la médecine d'évolution. J'en connais parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait mon séminaire. J'en connais d'autres qui ont fait le séminaire d'un autre. Il y en a. Et il y en a qui n'ont rien fait, mais qui les attendent. Ils attendent après quelqu'un pour venir les fouetter. Vous évoluez, vous avez un problème ici, vous ne voulez pas voir n'importe quel médecin. Allez voir un médecin capable de jaser. Ce médecin-là, il ne vous trompera pas. Vous mériterez pas d'être trompé. Oui, mais je ne sais pas pour aller. Allez. Le médecin qui trouve ça drôle, sortez. Vous trouvez ça encore plus drôle, sortez. C'est vous. Pour vous rester là. Et le médecin qui va dire, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ben, peut-être. Dites que vous soyez transparent. De tomber sur le médecin ou sur l'individu qui va vous brancher. Ça va le faire. Une enfance malheureuse, viol, perte de parents, placement dans foyer nourricier, manque de nourriture, est-ce une cause karmique? Oui. Karma planétaire, karma social, pas nécessairement le karma de l'individu. Mais là, ce serait long à expliquer. Il y a des conférences que j'ai faites sur le karma. Personne ne saurait plus d'informations, elle pourrait s'y référer. Parce que là, en 30 secondes, ce serait fautif, il manquerait d'éléments. Il y a des conférences sur le karma, et qu'il y a du karma, entre autres, des choses comme ça qu'on pourrait peut-être écouter pour avoir une meilleure réponse. Bon, là-dessus, on se voit la semaine prochaine. Bon. La conférence la semaine prochaine aura pour titre, je vous le dirai vendredi prochain. Bonne semaine. Bonne semaine.